la Curie, à Rome, était le lieu de rassemblement des sénateurs. La toge prétexte était portée par les garçons jusqu'à 17 ans. Elle était blanche, bordée de rouge. L'histoire de Papirius Prætextatus a été racontée par Marcus Caton. Voici à peu près en quoi ce qui eut lieu. Autrefois, les sénateurs avaient coutume de se rendre à la curie avec ceux de leurs fils qui étaient revêtus de la robe prétexte. Un jour, le Sénat, après avoir délibéré sur une affaire importante, renvoya la suite de la discussion au lendemain. Mais on décida que le sujet resterait secret jusqu'à ce qu'une détermination ait été prise. Cependant, la mère du jeune Papirius demande à son fils, qui avait accompagné son père au Sénat, quel avait été le sujet de la délibération. L'enfant répond que c'est un secret et qu'il doit le taire. Cette réponse piqua la curiosité de la mère. Le silence de l'enfant, ce mystère, la rendent encore plus impatiente de savoir de quoi il a été question. Elle presse son fils avec plus d'opiniâtreté et d'acharnement. Poussé à bout, Papirius a recours alors à un mensonge plaisant et ingénieux. Le Sénat, dit-il, agitait la question de savoir s'il est plus utile pour la République qu'un homme ait deux femmes ou qu'une femme épouse deux hommes. À ces mots, la mère est saisie de terreur. Elle sort en toute hâte, va raconter cette nouvelle aux dames romaines. Le lendemain, affluence de matrones aux abords du Sénat. Larmes, prières, supplications pour obtenir qu'une femme épouse plutôt deux hommes qu'un homme deux femmes. À leur entrée dans la curie, les sénateurs se demandent ce que signifie ce tumulte et ces prières. Alors, le jeune Papirius s'avance au milieu de l'assemblée, raconte ce qui s'est passé, les instances de sa mère et sa réponse. Le Sénat, charmé de la discrétion et de l'esprit de cet enfant, arrête que désormais, nulle fille de sénateur, excepté le seul Papirius, ne pourra accompagner son père à la curie. Un autre honneur fut accordé au jeune Papirius. On lui donna le surnom de Prætextatus pour rappeler la prudence avec laquelle, dans l'âge où l'on porte encore la toge prétexte, il avait su parler et se taire si à propos.